إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 21 dans l'explication de Sharh Masail al-Jahiliya et on est arrivé au point numéro 53. Point numéro 53. Hein, je rappelle qu'il y a 128 points, on est au point 58. Donc le titre de ce point c'est Tahliluhum Tahayyuluhum li'ibtal shar'illah. Tahayyuluhum li'ibtal shar'illah, c'est-à-dire que les gens de la Jahiliya, ils utilisent des ruses pour essayer d'annuler la révélation et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, pour opposer la religion d'Allah. Là, ils utilisent des ruses. Ils font des ruses et des complots pour opposer la vérité. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a exprimé ça en disant les paroles suivantes. I'malu al-hiyal al-zahira wal-batina fi daf'i ma ja'at bihi al-rusul ka qawlihi ta'ala anhum wa makaru wa makar Allah wallahu khayrul makirin wa qawluhu وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. Donc le Cheikh il explique que les gens de la Jahiliya, ils ont fait toutes sortes de ruses apparentes et cachées pour repousser ce que les messagers ont amené. Et ça c'est comme par exemple dans le verset 54 dans Sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa makaru wa makar Allah, ils ont fait des ruses et Allah subhanahu wa ta'ala a fait sa ruse, hein, ils ont fait des complots et Allah subhanahu wa ta'ala a son complot, c'est ça que ça signifie. Et il mentionne le verset 72 dans sourate Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les gens du livre, parmi les gens du livre il y en a un groupe qui ont dit croyez en ce que les croyants ont accepté, hein, croyez en ce qui a été révélé aux croyants une partie au début de la journée et à la fin de la journée, rejetez-le. C'est-à-dire, les Juifs ont imaginé cette ruse-là pour éloigner les gens de la vérité, pour éloigner les gens de l'islam. Ils ont dit, acceptez l'islam au début de la journée, faites comme si vous acceptez l'islam. Puis le soir, rejetez l'islam, comme ça les gens vont dire, hein, cette religion-là, elle n'est pas vraie, puisque ces gens-là sont des gens du livre, ils ont reçu un livre et ils sont rentrés dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis après ils ont renié la religion. Wa alaykum salam. Donc ça c'est la preuve que, pour eux, ça c'est la preuve, ils vont utiliser ça comme une preuve pour montrer que l'islam n'est pas vrai ou des choses de ce genre. Donc ça fait partie de leur ruse. Et ça c'est une ruse parmi des milliers de ruses qu'ils font pour essayer d'éloigner les gens de la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'islam. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce point-là. Il dit من أعمال أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين إعمالهم الحيل في تغيير شرع الله سبحانه وتعالى للتخلص منه وإنفاذ كفرهم وضلالهم لأنهم لا يقدرون على المصارحة فصاروا يلجؤون إلى حيل خفية ماكرة ومن ذلك قوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والمكر هو إيصال المكروه بطريقة خفية. واليهود حين أرادوا قتل المسيح ابن عيسى ابن مريم عليه السلام لأن عادتهم قتل الأنبياء فأرادوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام، فذهبوا إلى ملك كافر وسلي فقالوا له إن هذا الرجل سيغير حكمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا الرجل سيغير حكمك إن تركته. فأرسل إلى الملك جماعة، فأرسل هذا الملك جماعة لقتل المسيح، ودخلوا عليه في مكانه يريدون قتله، ولكن الله جل وعلا مكر لنبيه صلى الله عليه وسلم فألقى شبه المسيح على رجل من أتباعه قدم نفسه لذلك يريد الأجر من الله حتى صار كأنه المسيح، فأخذوه وقتلوه وصلبوه على الخشبة يظنون أنه المسيح، ورفع الله المسيح إليه من بينهم وهم لا يشعرون. ولهذا يقول جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Donc le cheikh explique, il dit que parmi les exemples de qu'est-ce qui fait partie des gens de la jahiliya, qu'est-ce qu'ils pratiquent et qu'est-ce qu'ils font, il y a par exemple en particulier les gens qui ont reçu un livre, Ahlul Kitab, les juifs et les chrétiens, et Al-Ummiyoun, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu de livre, comme les arabes de l'époque, ils pratiquent toutes sortes de ruses dans le but de changer la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le but de rejeter la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pour eux dans le but de se débarrasser de l'islam ou essayer de faire en sorte à ce que leur kufr et leur égarement soient exécutés et appliqués. Donc, le cheikh, il dit que, étant donné que les kuffars ne sont pas capables d'opposer l'islam de manière franche et directe et opposée, alors ils utilisent toutes sortes de ruses et toutes sortes de complots secrets de cette manière, qui sont des secrets, comment on pourrait dire, subtils, des complots et des ruses. Même à l'époque actuelle, que le cheikh il explique ça à propos des kuffars et des mouchriquins, et des juifs et des chrétiens de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même à l'époque actuelle aujourd'hui, les koufars et les mouchriquins et les juifs et les chrétiens, ils utilisent les mêmes ruses, et ils font également toutes sortes de complots dans le but de chercher à faire du tort à l'islam ou faire du tort à la religion et faire du tort aux musulmans. Donc, alhamdulillah, on ne doit pas être étonné de ça, on ne doit pas être surpris de ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ça et nous a avertis à ce sujet-là. Donc, il dit parmi les ruses qu'ils avaient, parmi les preuves de ce point-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet dans le Coran, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ verset 54 dans surat Al-Imran, c'est-à-dire, وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَحْرَسُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, c'est-à-dire qu'ils ont comploté et Allah subhanahu wa ta'ala a comploté à son tour, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des comploteurs, et le meilleur des comploteurs contre ceux qui eux aussi essaient de ruser contre l'islam et contre les musulmans. وَالْمَكْرُ هُوَ إِيصَالُ الْمَكْرُوهُ بِطَرِيقَةٍ خَفِيَّةٍ وَالْيَهُودُ حِينَ أَرَادُوا قَتْلَ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لأن عادتهم قتل الأنبياء فأرادوا أن يقتلوا المسيح. Donc, le cheikh il explique que la ruse, c'est de faire tomber un mal sur quelqu'un, mais d'une manière subtile, d'une manière qui ne se voit pas facilement. Tu fais un plan, un complot, une ruse. Quand tu veux faire un tort ou un mal à quelqu'un, tu peux le faire directement. Tu peux le faire directement devant tout le monde, les gens vont voir que tu lui fais du mal. Sauf que, quand tu fais du mal à quelqu'un directement comme ça, ça peut revenir contre toi, parce que les gens sont témoins, les gens voient, donc ils vont savoir que c'est toi qui fais du mal. Mais il y a des gens, justement, ils veulent te faire du mal sans avoir de conséquences pour eux-mêmes, contre eux-mêmes, sans avoir des problèmes avec toi par la suite, ou avec d'autres personnes qui vont être au courant de ce mal-là que tu es en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des moyens pour te faire du mal, mais des moyens subtils, des moyens cachés. Hein? Ils font des plans, ils font des calculs, ils font des analyses, ils font des programmes. Ils essaient de voir comment on va faire pour arriver à leur faire du tort sans que les gens sachent qu'on veut leur faire du tort et sans qu'eux-mêmes s'aperçoivent que c'est nous qui sommes en train de leur faire ces problèmes-là. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle une ruse, un complot. Hein? C'est quelque chose de caché, quelque chose que tu peux pas comprendre, que tu peux pas voir clairement parce que c'est les gens le font subtilement et caché. Et en même temps, le but de ça, c'est que ce soit pas facile à voir, que ce soit pas facile à détecter. Et c'est pour ça qu'on appelle, souvent on parle des kuffars, ils parlent de la théorie du complot et les trucs de complot, puis ils se moquent un peu de ça des fois en disant « Ah, ces gens-là, ils voient des complots partout, ou bien ils ont peur des complots ». La réalité, c'est qu'il y en a des complots. Et des fois, quand on demande à la personne, hein, quand quelqu'un parle des complots, on demande à la personne « Est-ce que tu as des preuves ? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis ?» Et on n'a pas de preuves, puisque un complot, c'est déjà fait pour que les gens ne soient pas capables de le détecter, pour que les gens ne soient pas capables de le voir. Hein. Donc, un complot, souvent, c'est très difficile de le prouver. Sauf que nous, alhamdoulilah, on a la preuve de ce complot-là de la part des koufars contre l'islam qui est dans le Coran. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mentionné lui-même qu'il y a ces complots-là de la part des koufars contre les musulmans. Donc, c'est pas quelque chose qu'on imagine, c'est pas quelque chose qui est imaginaire, des illusions qu'on a dans notre esprit, qu'on invente, qu'on s'invente des chimères ou des peurs imaginaires. Ce sont des choses réelles que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnées clairement dans sa révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim, Al-Khabir, hein, donc il est celui qui connaît tout et qui sait tout, qui est bien informé, parfaitement informé. Donc il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacune de ses créatures et qu'est-ce qu'ils ont comme pensée, comme idée, comme intention, comme volonté, hein, comme ruse, comme complot. Et donc il nous met en garde, il nous a mis en garde contre les ruses et contre les complots de ses ennemis, des ennemis des musulmans. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils ont fait des ruses et Allah lui aussi a fait sa ruse. Donc ça nous fait comprendre que ces gens-là sont en train de faire des calculs pour nous faire du tort, mais en même temps Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi il a sa ruse à lui. Et non seulement c'est pas une ruse comme n'importe qui, hein, comme la ruse de quelqu'un, ça peut fonctionner ou ça peut pas fonctionner parfois. Il fait des calculs puis il se trompe, ou bien il essaie de te faire un mal, mais ça marche pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il ruse et il est le meilleur des comploteurs, c'est-à-dire il ne se trompe jamais. Hein, et s'il veut qu'un mal tombe sur quelqu'un, ça va tomber sur lui. Donc quand les koufars et les mouchriquins essaient de faire du tort aux musulmans et aux gens de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas insouciant, il n'est pas indifférent de ça, et il peut faire en sorte que ce complot-là va retomber contre celui-là même qui l'a fait. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset dans Surat Fatir, وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Ça veut dire que le mauvais complot que les gens essaient de faire contre l'islam, ça retombera toujours contre ceux-là même qui ont commencé ou qui ont essayé de le faire. Hein? Donc, alhamdoulilah, il ne faut pas s'inquiéter dans ce sens-là, il faut juste prendre les moyens nécessaires pour justement faire en sorte qu'on ne soit pas affecté par leurs ruses et par leurs complots. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné comment faire dans ces situations-là. Il nous a dit « Wa in tasbiru wa tattaqu lan yadurrukum kayduhum shay'a ». لَنْ يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْهَا. Donc ça veut dire, si vous avez l'endurance et la patience et la taqwa, que vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites ce qui est obligatoire et vous écartez de ce qui est interdit, aucune de leurs ruses ne pourra vous faire un tort quelconque. Puisque vous êtes sur l'endurance, vous restez patient, hein, vous êtes patient dans l'obéissance d'Allah, vous êtes patient dans le sens que vous vous éloignez de ce qui est haram et vous êtes patient dans les épreuves et les difficultés, et en plus vous vous écartez du haram et vous faites ce qui est obligatoire pour vous. Si vous restez sur cette voie-là, aucune ruse des koufars ne pourra vous faire du mal. Et c'est certain que ça va retomber contre eux. Hein? Donc, le cheikh dit ensuite, donc que les Juifs, ils donnent un exemple par rapport aux ruses des Juifs contre les croyants. Ils voulaient, par exemple, les Juifs ont voulu tuer Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie, ils ont voulu le tuer. Et parmi les habitudes des gens des Juifs, c'est qu'ils essayaient toujours de tuer les prophètes. Toute personne qui ordonne le bien, toute personne qui interdit le mal, toute personne qui appelle à la vérité, chaque fois les Juifs essaient de lui donner des problèmes. Ils essaient de le tuer, ils essaient de l'arrêter, de faire en sorte que cette personne-là cesse. Hein? Parce qu'ils vivent de la corruption, c'est ça qu'ils aiment, faire le désordre sur la terre. Donc, ils ont voulu tuer Jésus, fils de Marie. Hein? Même si l'Église catholique, aujourd'hui, hein, et après presque 2000 ans, après les avoir accusés d'avoir tué Jésus, leur Dieu, parce que les catholiques croient que Jésus c'est Dieu ou le Fils de Dieu, ils ont dit pendant presque 2000 ans que c'était les Juifs les responsables, là dernièrement depuis Jean-Paul II, le Concile du Vatican II, qu'ils ont écrit le nouveau Concile, ils ont soi-disant innocenté les Juifs de ça. Nous on savait qu'ils ne l'avaient pas tué de toute façon à la base, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est quelque chose qui leur a paru comme ça. Hein. Alors, ils ont cru que c'était comme ça parce que c'était ça en apparence. Et la réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas du tout tué ou crucifié. Maintenant, aujourd'hui, l'Église catholique, maintenant, ils disent « Non, c'est plus les Juifs les responsables. » Par rapport à ce qui est arrivé en Allemagne, les nazis qui ont tué beaucoup de Juifs là-bas. Donc, à cause de ça, ils ont dit, bon, maintenant, on ne va plus accuser les Juifs parce que, à cause du fait qu'on les a accusés pendant 2000 ans, maintenant, ça a amené l'Holocauste. Hein. Donc, on va arrêter de dire ça. Maintenant, on ne dit plus que c'est les Juifs les responsables de la mort de Jésus, hein, ou soi-disant comme ils le prétendent eux, mais on va dire que c'est la faute de tous les êtres humains. C'est tous les êtres humains qui sont responsables de la mort de Jésus. Alors qu'on n'était même pas là, présent, soi-disant, et on sait de toute façon qu'il n'a pas été tué, ni crucifié, comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Donc, juste pour revenir à ce que le cheikh il dit, ils ont voulu le tuer. Et ils sont allés, pour arriver à le tuer, ils ne sont pas allés directement eux-mêmes pour dire on va l'assassiner quelque part dans la rue ou dans la nuit, quand on va le voir dehors, on va sauter sur lui, on va le tuer. Non. Ils sont allés voir le roi romain qui était au pouvoir dans cette région-là à l'époque, qui s'appelait Hérode. Hein? Et ils sont allés le voir, c'est un roi païen, hein? un idolâtre qui adore Jupiter et les autres idoles et les autres dieux des Romains de l'époque, parce que la Rome à l'époque, ça c'était avant qu'elle devienne chrétienne, hein? Avant l'Empire Constantin qui a déclaré la religion chrétienne comme étant la religion officielle de tout l'Empire romain, ça c'était 325 ans après Jésus. Ok? Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de christianisme dans la Rome. Et Rome n'était pas sur la religion des prophètes. Donc, les Juifs sont allés voir ce roi. Et ils ont dit au roi, pour faire peur à ce roi, cet homme-là, en parlant de Isa, il va vous changer votre gouvernement et votre pouvoir. Il va vous enlever le pouvoir si vous l'arrêtez pas. C'est-à-dire, ils ont commencé à inventer des mensonges contre Isa, hein, pour faire peur aux Romains. Imaginez, hein. Là, il faut vous mettre dans l'idée que Isa, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore venu. Hein, il y a seulement Banu Israël, les fils d'Israël, et Isa ibn Maryam qui est un de leurs prophètes qui vient pour les appeler à revenir à la bonne compréhension de la religion d'Allah. Hein, et eux sont supposés d'être des mu'minines, sont supposés d'être des croyants, hein, qui croient en la Torah, qui suivent Moussa, hein, qui respectent la religion. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont voir leurs ennemis, c'est-à-dire les Romains, pour dénoncer un prophète d'Allah qui appelle au tawhid, qui appelle à l'islam, hein, ils sont allés le voir, sont allés voir eux pour le dénoncer, pour lui faire des problèmes, pour par la suite le faire arrêter dans sa da'wah, et le faire arrêter de propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est comme si par exemple, hein, comme par exemple si aujourd'hui un musulman, quelqu'un qui se dit musulman, s'en va voir des koufars, des chrétiens ou des juifs, ou des athées, ou bien d'autres, pour dénoncer un musulman parce qu'il appelle au tawhid ou à l'islam, ou des choses de ce genre, pour leur dire des choses fausses contre lui, pour qu'il l'arrête. Donc c'est la même attitude qu'ils ont utilisée, mais envers Isa alayhi salam. Donc, yani, ils ont fait cette ruse-là pour le faire arrêter. Donc ce roi Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni des gens pour organiser justement le meurtre du Messie, Al-Messie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à un endroit, là où ils voulaient le tuer. Ils sont allés là où il était pour le tuer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une ruse contre les koufars à ce moment-là, et il a sauvé son prophète Isa alayhi salam, dans le sens qu'il a donné, à un des proches de Isa, un des gens qui était parmi ses apôtres, il lui a donné sa ressemblance. Hein? Il a donné à un des apôtres de Isa alayhi salam la ressemblance de Isa. Et Isa, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter aux cieux. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Isa alayhi salam, il est monté aux cieux. Et c'est un autre parmi ses compagnons qui a pris sa ressemblance. Et donc, ils ont attrapé ce compagnon de Isa, ils ont cru que c'était Isa, mais ce n'était pas lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, le cheikh, il dit ici que, en fait, cette ressemblance-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à un des apôtres de Isa, qui s'était lui-même offert pour, disons, prendre sa ressemblance, pour prendre sa place, hein, pour prendre les épreuves à sa place. Il s'est offert lui-même. Tandis qu'il y en a d'autres, un lama qui ont expliqué que c'était plutôt un des traîtres, hein, qui avait essayé de dénoncer Isa, puis lui, c'est lui qui a été changé en l'apparence de Isa alayhi salam. Bon, il y a divergence là-dessus, sur ces explications-là, mais toutefois, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que, hein, c'est ça, donc, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que celui qui a été attrapé, c'était pas le Messie, fils de Marie, c'était quelqu'un d'autre qui lui ressemblait, et ils l'ont pris, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié sur un morceau de bois, et puis ils ont cru que c'était le Messie, mais c'était pas lui, parce que Allah l'avait élevé aux cieux sans même qu'il s'en aperçoive, comme c'est mentionné dans le verset 157 dans Sourate An-Nisa. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est qu'est-ce qui leur a été apparent. C'est ça ce qu'ils ont cru. Et donc, aussi, il y a un point qui est important de comprendre aussi, c'est que même aussi dans la Bible des chrétiens aujourd'hui, ils mentionnent qu'il y a un des compagnons, un des apôtres de Jésus qui lui ressemblait beaucoup. Et dans le récit qui est mentionné, même dans les évangiles aujourd'hui, qui ont été falsifiés bien sûr, mais qui sont encore aujourd'hui entre les mains des chrétiens, il mentionne le fait que il y a un des apôtres de Isa qui est venu pour l'embrasser. Hein, et c'était ça, soi-disant, le signe qui allait être donné pour que les Romains sachent que c'était celui-là. Parce que il y avait quelqu'un qui lui ressemblait. Et pour être capable de distinguer entre les deux, il est allé embrasser celui qui était, soi-disant, Isa pour eux. Donc c'est bien possible, depuis que même dans leur propre livre aujourd'hui, il y a la mention du fait qu'il y avait une ressemblance entre lui et un autre apôtre, hein, que c'était ça justement qui s'est produit, puis que ceux qui ont composé ou écrit les évangiles que les chrétiens possèdent aujourd'hui, étant donné que c'était des témoins, parfois c'était des récits des témoins, soit et des fois c'était pas des récits des témoins, mais des récits de ce que certains avaient entendu de d'autres personnes. Donc probablement qu'ils ont écrit les choses telles qu'ils les ont vues. Et peut-être que c'est ça eux qu'ils ont compris quand ils ont vu qu'il y avait cette ressemblance-là, ils n'ont pas su lequel des deux était réellement Isa, et donc celui qui était réellement Isa, Allah subhanahu wa ta'ala l'a monté aux cieux, et c'est l'ordre qu'ils ont attrapé en croyant que c'était Isa alayhi salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh ensuite il dit وهذا معنى قوله تعالى ومكر ومكر الله هذا من باب المقابلة والمجازة وهو عدل منه سبحانه وتعالى بخلاف مكر المخلوق فإنه ظلم لأنه بغير حق. Donc le cheikh il dit, comme c'est mentionné dans le verset 54 dans sourate Al-Imran, ومكر ومكر الله, c'est ça la signification de ومكر ومكر الله, c'est ça la signification de ils ont rusé et Allah subhanahu wa ta'ala a rusé. Du fait qu'eux, ils croyaient faire un complot contre Isa, alayhi salam, pour le tuer, ou pour le faire tuer. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été épargné et sauvé sans même qu'eux s'en aperçoivent. Et donc, en réalité, ils pensent en être débarrassés, alors qu'en réalité, non, ce n'est pas le cas. Hein? Donc, ça, c'est un exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala, pour remettre à ces gens-là le mal qu'ils font, il utilise ce genre de ruse hein, pour leur, pour les punir en fait. Et aussi pour leur remettre une rétribution pour l'injustice qu'ils font. Et ça, c'est de la justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il le fait contre des gens qui le méritent. Tandis que souvent, quand des hommes font des complots contre d'autres êtres humains, eh bien souvent, c'est de l'injustice qu'ils font. Souvent, ils le font dans le but de faire de l'injustice et d'une manière qui est contraire à la vérité. Après, le cheikh, il dit, « وَقَالَ تَعَالَى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره وهذا من مكر اليهود أيضا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر أمر الله سبحانه وتعالى وانتصر على المشركين في غزوة بدر ويوم الفرقان ولما عجز اليهود عن صد الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لجأوا إلى حيلة ومكر فقال جماعة منهم أسلموا في أول النهار وإذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام وقولوا ما وجدنا في دين محمد صلاحية فإن الناس سيتبعونكم لأنكم أهل كتاب يقولون لولا أنهم ما وجدوا صلاحية في دين محمد لما خرجوا منه فيقلدونكم فكشف الله خطتهم بقوله وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار فوجه الشيء أوله ومقدمه. الشيخ الكبير également, parmi les ruses, il y a le verset 72 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'exemple de la ruse des Juifs. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et un des groupes parmi les gens du livre ont dit, croyez en ce qui a été révélé aux croyants, c'est-à-dire aux musulmans, au début de la journée, puis rejetez-le, reniez-le à la fin de la journée, pour que les idolâtres et les mouchriquins voient que vous avez quitté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa religion. Comme ça, ils vont dire, ces gens-là, ils ne sont pas sur la vérité. Puisque les juifs qui ont reçu un livre avant eux sont rentrés dans leur religion, puis ils ont vu que ce n'était pas vrai, ils l'ont laissé. Ça, c'est un argument contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la ruse des juifs. Et c'est ça ce que le cheikh explique. Le cheikh, il dit, ça c'est la ruse des juifs encore. Hein, et il explique pourquoi ils ont utilisé cette ruse-là. Ils ont utilisé cette ruse-là parce qu'ils ne sont pas capables d'opposer le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Hein? Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra à Médine et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître son ordre et qu'il a donné la victoire aux croyants dans la bataille de Badr contre les mushrikines, le jour qu'on appelle Yom al-Furqan. Yom al-Furqan, pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a eu la distinction entre la vérité et le faux, entre les gens du tawhid et les gens du shirk, hein, et que les juifs ont été incapables d'empêcher les gens d'entrer dans l'islam, ils ont utilisé ce genre de ruse, ce genre de complot, hein. Un groupe d'entre eux ont dit, acceptez l'islam au début de la journée, puis à la fin de la journée, rejetez l'islam. Et après, vous dites aux gens, on n'a rien trouvé de bon dans la religion de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand vous allez dire aux gens, on n'a rien trouvé de bon dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont vous suivre, hein, parce que vous êtes des gens du livre. Et ils vont dire, si ces gens-là ont rien trouvé de bon, hein, s'ils avaient trouvé du bon, ils seraient restés, puisqu'ils sont sortis, c'est la preuve que ils n'ont rien trouvé de bon, donc ils vont vous suivre aveuglément, comme vous avez abandonné sa religion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé leur ruse dans ce verset-là, le verset 72, dans Surat Al-Imran. Et il a mentionné donc qu'un groupe des gens du livre faisait ces choses-là. C'est-à-dire, au début de la nuit, de la journée, au début de la journée, ils acceptent l'islam, à la fin de la journée, ils la rejettent. Et le cheikh dit, wa kullu man laja'a ila al-shayal li taghyir shar'illah wa al-idrar bi awliya'ih fa innahu ala tariqati ahli al-jahiliyyah wa kullu man sana'a ahli as-sunnah wa ahli at-tawhid lil wusul ila gharad min aghrad ad-dani' min aghradihi ad-dani'a fa huwa ala tariqati ahli al-jahiliyyah. Donc le cheikh dit, toute personne qui utilise ce genre de ruse dans le but de changer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de faire du tort aux alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est sur la voie des gens de la jahiliya. Et toute personne parmi les gens qui agit de cette manière-là, d'une façon hypocrite envers les gens de la sunna, envers les gens du tawhid, dans le but d'arriver à un intérêt parmi les intérêts bases de la dunya, hein, alors il fait partie également des gens de la jahiliya. Donc si parmi les musulmans, il y en a qui se mettent du côté des gens de bid'a, et du côté des gens d'égarement, et ils agissent de la manière des juifs, que les juifs ont agi envers les musulmans, hein, par rapport aux gens de la sunna, alors ils sont eux aussi des gens de la jahiliya. Ils ont cette caractéristique, parmi les caractéristiques des gens de la jahiliya. Comme par exemple, vous avez aujourd'hui certains individus qui vont sur Internet, ils écrivent dans leur site ou dans leur blog des trucs, par exemple, par rapport à la voie des salafs et au manhaj salafi, et des choses de ce genre. Et donc, il y en a, vous savez, même dans certains sites, des gens qui vont dire, ah, moi j'étais salafi, et j'étais comme ci, j'étais comme ça, puis après je suis rentré avec eux, j'ai vu que c'était pas vrai, donc après j'ai laissé tomber, hein, et maintenant je suis avec les soufis, et maintenant c'est mieux, hein, en voulant dire que, j'étais salafi, maintenant je suis devenu soufi, et là j'ai trouvé la vérité. Il y a un Tunisien, j'ai oublié son nom, en tout cas, s'appelle Tijan ou quelque chose comme ça, il est devenu soufi, il a écrit un livre, il est devenu chiite, il a écrit un livre qui s'appelle Summa Tadek, puis ensuite j'ai été guidé, c'est ça le titre du livre, hein, ensuite j'ai été guidé. Il mentionne dans ce livre-là tout son parcours. Il dit, ah, j'étais soufi, après je suis allé en Arabie Saoudite, je suis devenu wahhabi, après, soi-disant, je suis parti en Iran, et là, j'ai été guidé, j'ai trouvé le vrai islam. Hein? Donc, Cheikh Ibrahim al-Rouhili, il a réfuté son livre, et d'autres mashaykhs aussi qui l'ont réfuté. Donc ça, c'est pour dire, c'est des gens comme ça, ça c'est des gens qui agissent de la même manière que les juifs ont agi envers les musulmans à l'époque de la révélation. Hein? Donc ils ont cette caractéristique-là parmi les caractéristiques des gens de la jahiliya. Ils disent aux gens, acceptez pas la da'wa salafiyya, acceptez pas le manhaj du Coran et de la sunna, acceptez seulement la bid'a et les choses que nous on pratique, parce que c'est ça le vrai islam. Hein? Donc ils déforment la réalité, et ils vont leur raconter des histoires qui leur sont arrivées, par exemple, oh, quand j'étais par exemple avec des musulmans qui sont salafis, il y en a un qui m'a fait ça, ou il y en a un qui a dit ça, ou il y en a un qui a fait ça, ils vont raconter plein d'anecdotes, de choses qui leur sont arrivées, peut-être c'est des choses qu'ils n'ont pas aimées, ou des choses négatives, puis ils vont juger selon ce que des gens ont fait, ou selon ce que des gens ont dit, parfois c'était pas des actes qui étaient corrects, parfois c'était pas des paroles qui étaient correctes, mais il se base sur ces fautes d'individus pour discréditer le manhaj et la da'wa elle-même. Hein? Alors qu'il n'y a aucun salafi qui représente l'islam en tant que tel, dans le sens que si ce musulman-là qui est salafi, qui se dit salafi, fait quelque chose qui est contraire au Coran et à la sunna et au manhaj des salafs, est-ce qu'on va dire ça c'est une erreur dans le Coran et dans la sunna et dans le manhaj des salafs, ou bien on va dire c'est cet individu-là qui s'est trompé, hein? C'est cet individu-là qui s'est trompé. C'est comme si aujourd'hui un chrétien dit ah, je veux pas rentrer dans l'islam parce que Ben Laden, il fait des actes de terrorisme. Est-ce que tu vas blâmer l'islam par rapport aux actes d'un musulman qui fait des choses, ou quelqu'un qui se dit musulman, qui fait des choses qui sont contraires à l'islam? Hein? Sinon, je peux dire la même chose de certains chrétiens. Hein? Il y a des chrétiens, ils font de la pédophilie, ils violent des petits-enfants. Hein? Est-ce que c'est pour ça que je vais discréditer la religion catholique? Non, je vais me baser sur les croyances et les fautes et les erreurs qui sont dans leurs croyances pour montrer aux gens que la religion catholique, elle est fausse. Parce qu'ils croient en la Trinité, parce qu'ils croient, par exemple, que Jésus est fils de Dieu, parce qu'ils adorent les images, les croix et les saints, hein, parce qu'ils prennent leurs prêtres comme des intermédiaires entre Allah, etc. Ça, c'est des arguments pour discréditer la religion catholique et pour montrer que c'est une religion d'idolâtrie et de kufr et de shirk, hein, et d'égarement et de bid'a. Mais je ne vais pas me baser sur l'action d'un catholique. Hein, un catholique qui a battu sa femme. Je dis, ah, les catholiques, il y a un catholique qui a battu sa femme, donc je ne veux pas être catholique. Ou un catholique, par exemple, qui a volé dans le dépanneur. Hein. Ah, ben ça, c'est un voleur, les catholiques sont des voleurs. C'est comme ça qu'ils parlent aujourd'hui des musulmans. Ils parlent des musulmans de cette manière-là. Ils vont dire, ah, il y a un musulman qui a fait un acte terroriste, il y a un musulman qui a battu sa femme, il y a un musulman qui a fait ça. Oui, mais est-ce que c'est ça qui est enseigné par l'islam? Bien sûr que non. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est en opposition avec ce que l'islam enseigne. Alors, il ne faut pas juger les musulmans par rapport à... il ne faut pas juger l'islam par rapport à ce que font certains musulmans parmi les choses qui sont en contradiction avec l'islam. Hein? Ça, on en a parlé dans les premiers cours, parce que ça faisait partie de certains points de la djahiliya, et ça rentre là-dedans. Et la même chose par rapport aux salafis aujourd'hui, comment les gens vont critiquer, par exemple, l'Arabie Saoudite, du fait que certains princes ou certains individus, par exemple, vont dire « Ah, lui, il va dans tel pays, il va dans un casino. Hein, il va gaspiller de l'argent. » Ça, c'est lui. Ça ne veut pas dire que la da'wa salafie qui est en Arabie Saoudite, elle n'est pas bonne à cause de ça. Il faut regarder les fondements, il faut regarder les préceptes, il faut regarder les enseignements, le Coran, le Sunna, et l'Aqidah, et l'Usul, et on se base là-dessus. Hein? Parce que sinon, des péchés, il y en a partout, dans tous les pays. C'est pas juste des individus d'un pays en particulier. Hein? Et donc, c'est ça ce qu'ils font aujourd'hui. On dit, ah, les wahhabites, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est des exemples qu'ils utilisent pour essayer de discréditer des gens, mais c'est une sorte de ruse en même temps. Après, le cheikh, il dit, comme point numéro 54, « Al-iqraru bil-haq للتوصل إلى دفعه المسألة الرابعة والخمسون. Le point 54 c'est presque la même chose que le point 53. Vous allez voir. Le cheikh dit الإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه كما قال في الآية hein, كما قال في الآية. C'est-à-dire ils acceptent la vérité dans le but par la suite d'arriver à la repousser. Comme c'est mentionné dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire le verset 72, si je ne me trompe pas, hein, 72, dans Surat Al-Imran, comme les Juifs l'ont fait. Et donc c'est exactement le même point que ce qu'on a dit tout à l'heure. Sauf que c'est plus général. Hein, sauf que c'est plus général. C'est tantôt c'était les ruses, et là c'est juste le fait d'accepter la vérité, puis par la suite de le rejeter. Et ça peut être appliqué par toutes sortes de personnes, parmi les gens de la Jahiliya. Ils faisaient ça, puis encore aujourd'hui ils font ça. Ils montrent qu'ils sont d'accord avec quelque chose, et après ça, ils reviennent sur leur position. Donc les gens disent, ah, mais lui, il était avec eux, ou il était d'accord avec ça, puis après il a changé d'opinion, maintenant il est contre. Donc ça c'est la preuve que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme argument aujourd'hui. Et regardez les koufars maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils savent qu'il y a un musulman ou une musulmane d'origine, quelqu'un qui vient d'un pays musulman et qui est d'origine d'un pays où les gens habituellement sont des musulmans et qui a renié l'islam en entier ou qui a renié des aspects de l'islam, hein, eh bien, quand ces gens-là commencent à parler contre les musulmans et contre l'islam, ils les prennent, ils les mettent à la télévision et ils les font témoigner contre l'islam et contre les musulmans. Et là, après, qu'est-ce qui arrive? Les koufars, ils disent quoi? Ils disent, ah, mais lui, c'était un d'entre ces gens-là, et là, là, il est contre eux. Donc, ça veut dire qu'il est sur la, il est, que ces gens-là sont pas sur la vérité. Parce que, on a un témoignage de quelqu'un qui était avec eux, puis qui les a quittés. Donc, c'est la preuve que, qu'est-ce qu'ils suivent, c'est pas vrai. Et ils font ça exprès, pour mettre de l'avant, justement, ces porte-paroles-là, soi-disant, pour justement, eux-mêmes, éviter d'attaquer l'islam, directement, parce que, si eux, ils critiquent l'islam, les gens vont dire, ah, mais ça, c'est pas des musulmans, en voulant dire, ces gens-là sont contre l'islam parce qu'ils sont pas musulmans. Là, eux, ils utilisent l'argument en disant, regardez, c'est pas nous qui sommes en train de critiquer l'islam, ce sont des musulmans comme vous, hein, qui sont de vos pays, et qui disent ces choses-là, qui sont contre le niqab, qui sont contre le hijab, qui sont contre, par exemple, la polygamie ou des aspects de l'islam comme ça. Donc, nous, on fait juste donner la parole à ces gens-là. Et c'est comme par hasard, toujours à ceux-là qu'ils donnent la parole, jamais à ceux qui sont contre leurs principes, jamais contre ceux qui sont contre leurs idées à eux, mais toujours ceux qui sont d'accord avec leurs idées et qui sont contre l'islam. Donc ça, c'est une ruse connue, hein, des gens de la djahiliya, et elles sont encore pratiquées aujourd'hui. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ce point-là dans son livre. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, « Mimma alayhi ahlul jahiliya, al-iqraru bil-haq, l'aqtina'un bihi, wa innama li yatawassalu ila daf'ihi, mislu ma hasala min al-yahud fi qawlihim, آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وسبق بيان ذلك. Donc le Cheikh il dit, parmi les exemples des gens de la djahiliya, il y a le fait d'accepter la vérité, non pas parce qu'on en est convaincu, mais dans le but d'arriver à le repousser par la suite, comme c'est arrivé de la part des Juifs quand ils ont dit aux gens, parmi eux, acceptez ou croyez en ce qui a été révélé aux croyants, c'est-à-dire aux musulmans, au début de la journée et à la fin de la journée, rejetez-le pour qu'il revienne. On a expliqué ça déjà. Et ça me fait penser exactement au reportage de la fille qui s'était convertie à l'islam ici à Montréal. Elle s'était mariée avec un Algérien. Je pense que son nom c'est Natacha Izivik. Il y a quelque temps, elle a fait un reportage sur le voile. Et le titre du reportage, je pense, c'est « Je porte le voile ». Et donc, pendant, je pense, 13 ans, elle a pratiqué l'islam, elle a porté le petit foulard comme les gens le portent aujourd'hui. Et bien entendu, toujours, comme je dis souvent, c'est pas un hijab qui est en accord avec la charia, parce que la charia exige que la femme porte le djilbab et qu'elle couvre son corps en entier, de la tête jusqu'aux pieds, avec un vêtement ample, hein, qui couvre toutes les formes et qui cache le corps complètement, et non pas seulement juste un petit foulard qui couvre ses cheveux, et après qu'elle porte des vêtements ordinaires, ça c'est pas un hijab, et c'est pas un djilbab non plus, donc ça c'est important de l'expliquer. Donc il y en a qui portaient juste ça, bon cette fille-là, elle le portait. Puis, là, par la suite, elle a eu sa fille qui lui a posé la question, se disant, pourquoi tu portes le voile? Et là, elle a essayé d'expliquer à sa fille, mais elle n'était pas capable de lui expliquer. Probablement qu'elle-même, elle n'a jamais su, hein, les règles du hijab et l'islam comme il faut. Donc, étant donné qu'elle n'était pas capable d'expliquer ça à sa fille, elle a décidé de l'enlever. Puis elle a fait un reportage pour expliquer pourquoi comment elle a enlevé le hijab. Puis là, ils ont présenté ça à la télé, pas à la télé, mais en tout cas, ils ont fait les annonces de ça à la télé, à la radio, partout. Ça a été même dans les cinémas, maintenant ils le présentent dans certaines salles de cinéma. C'est pour dire que la fille, elle a enlevé son voile, puis elle a dit, yani, j'ai compris que je savais pas vraiment pourquoi je l'ai porté, donc j'ai décidé de l'enlever. Et là, c'est pour dire, subhanallah, quelqu'un, il devient musulman, il accepte l'islam, et puis après, 13 ans après, il dit, j'enlève mon voile parce que je sais pas pourquoi je l'ai mis. Et ça, les kuffars, eux, ils prennent ça, et ils sont tout contents maintenant. Et regardez. Cette fille-là, elle portait le voile, elle l'a enlevé. Et là, quand il y a des questions, quand ils ont besoin de parler de quelque chose qui a rapport avec le voile ou l'islam, ils appellent cette fille pour qu'elle donne des commentaires ou qu'elle parle sur cette affaire-là. Exactement. Donc, ils la prennent maintenant comme une référence dans l'islam. Et là, quand il y a eu la fille égyptienne là, qui portait le niqab, qui voulait se mélanger dans les écoles, hein, au Québec, puis là, que ça a fait toute une histoire dans les médias avec ça, et ben, ils ont appelé cette fille-là pour commenter l'attitude de cette femme qui ne voulait pas, soi-disant, découvrir son visage. Oui, bien sûr. Donc, c'est parce que il y a beaucoup de filles qui portent le niqab, elles sont pas salafiyas. Ce sont des filles hizbiyines, hein, pareil, elles font partie des hizbiyas, elles font partie des groupes des ikhwan, de ces tendances-là. Elles portent un niqab, mais pas sur la voie des salafis, pas sur le manhaj salafi. Donc, tu la vois, par exemple, avec son niqab, elle est assise dans une classe avec plein d'hommes. Puis après, elle dit, moi, je porte le niqab. Alors que la mixité dans l'islam, c'est pas permis. Hein? La mixité dans l'islam, c'est pas permis. Donc, comment tu veux porter le niqab et t'es contre le fait de montrer ton visage, puis après, tu t'en vas te mélanger avec les hommes. Hein? Hein? Non, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est... Il y a des manières, hein, il y a des manières, en tout cas. Donc, le cheikh il dit, وهذه مكيدة لا تزال تحاك للمسلمين ممن يندسون في صفوفهم من أعدائهم ويتظاهرون بقبول الحق ويريدون قلب الإسلام وإفساد الإسلام وهذا وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستمر إلى وقتنا هذا وإلى أن يشاء الله جل وعلا ويندس أناس من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد الإسلام ومن أجل بث الشبه بين المسلمين وتفريق الكلمة وإلقاء العداوة بين المسلمين وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى جماعات وهذا من كيد الأعداء ومكرهم فيجب على المسلمين أن يتنبهوا هذا المكر الخبيث وأن لا يمنحوا الثقة لكل من ما هب ودب بل عليهم أن يجربوا الناس تجربة صادقة ويختبروهم اختبارا دقيقا فإذا ثبت صدقهم منحوهم الثقة. Donc le chef explique. Il dit que la ruse, les ruses, elles continuent toujours à tomber contre les musulmans et à venir contre les musulmans de la part de ceux qui veulent s'infiltrer dans les rangs des musulmans parmi les ennemis. Et donc, ils se montrent en apparence comme des gens qui acceptent la vérité et qui veulent accepter la vérité, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essaient de renverser l'islam et de corrompre l'islam. Hein? Et ça, c'est arrivé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. Hein? Du fait qu'il y a des ennemis de l'islam qui montrent en apparence être parmi les musulmans et faire partie de l'islam, ils se mélangent parmi les gens dans le but de corrompre l'islam. Comme c'est arrivé à l'époque, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la part de Abdullah ibn Saba al-Yahoudi, le yéménite du juif qui s'était en apparence converti à l'islam, mais qui avait comme intention ou comme but de corrompre les musulmans et l'islam de l'intérieur, et qui s'est propagé, hein, qui s'est promené parmi les différentes contrées de l'islam, commence à faire de la fitna, commence à parler contre le dirigeant, contre Othman ibn Affan, radiallahu anhu, et commence à mentir contre les khulafa, et a commencé à insulter certains d'entre eux. Par la suite, a commencé à exagérer au sujet de Ali, radiallahu anhu, et de l'élever à un niveau plus haut que le niveau de la divinité, hein, et des choses de ce genre. Tout ça, par la suite, ça a amené à l'apparition de cette secte qu'on appelle aujourd'hui les Rafidah, qui sont connus en Iran, et d'autres sectes également, comme par exemple les Al-Ismailiyya, et d'autres sectes parmi les sectes des Shia, qui sont des sectes d'égarement et de bid'ah. Donc ça, c'est pour faire comprendre comment certains s'infiltrent, de la même manière qu'à l'époque de l'époque de Isa alayhi salam, lorsque Allah l'a élevé aux cieux, il y a Paul, hein, Shaoul, qui est venu se mélanger avec les gens qui se disaient chrétiens ou qui disaient qu'ils suivaient Isa alayhi salam, et qui a commencé à changer le message de Isa alayhi salam. Et donc c'est la même chose que Abdullah ibn Saba a essayé de faire, et à l'époque actuelle, il y en a plein comme ça, qui s'infiltre parmi les musulmans avec toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de façons de penser, toutes sortes de tendances, de groupes et d'idéologies, et ils viennent diviser les musulmans. Ils jettent toutes sortes de choubouhats entre les musulmans pour les diviser, pour mettre la haine et l'animosité entre eux, et pour les séparer et les diviser en groupes et en parties, et ça, ça fait partie des ruses des koufars. Comme par exemple, le groupe des Ikhwan, le groupe de Tablir, le groupe de Hizb Tahrir, tous les autres groupes de ces tendances-là qui sont en train de semer la divergence et la division entre les musulmans aujourd'hui. C'est eux qui font la fitna. C'est eux qui font la fitna dans les pays musulmans. Et ils travaillent exactement avec les koufars pour faire des problèmes aux musulmans. Hein, et pour mettre les musulmans les uns contre les autres. يا شيخ الدين فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لمكر هذا الخبيث لهذا المكر الخبيث. Les musulmans doivent faire très attention à cette ruse sale de la part des ennemis de l'islam, et ils ne doivent pas donner leur confiance à n'importe quel individu qui apparaît comme ça. Et c'est ça le problème aujourd'hui, surtout de la part de certains musulmans, et en particulier ici au Québec et à Montréal, parce que depuis que je suis converti ici, ça fait comme presque maintenant 19 ans que je suis témoin de ça, les gens sont tellement naïfs et tellement ouverts à tout ce qui arrive, depuis que quelqu'un se présente et il dit moi je parle au nom de l'islam, je parle de l'islam, les gens leur ouvrent leur cœur, ils leur ouvrent leur mosquée, ils leur ouvrent tout, et puis après on découvre que ce sont des gens qui ont des croyances déviées, que ce sont des gens qui appellent à des bid'ahs, que ce sont des gens qui n'ont pas un manhaj droit. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils disent « Oh, mais c'est un musulman, oh, il parle de l'islam, oh, il parle bien, etc. etc. » Hein? Non, des fois, oui, c'est ça, si c'est des gens de la dunya, quelqu'un est un docteur en chimie ou docteur en des trucs comme ça, mais après, il parle de l'islam, « Oh, il est éduqué, donc on le laisse parler. » Et le gars, c'est un ignorant, il ne connaît rien de l'islam. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit, donc, il ne faut pas donner notre confiance à n'importe qui arrive comme ça. Jusqu'à ce qu'on ait vraiment testé cette personne et vu qu'il est sincère et qu'on ait vraiment pris le temps de façon très, très méticuleuse de voir que cet individu-là, il est correct, qu'il est fiable et honnête. Là, une fois qu'on est certain, qu'on a vérifié comme il faut que cette personne-là est correcte, là, on peut, par la suite, lui donner notre confiance. Mais pas comme ça, n'importe qui, n'importe comment, quelqu'un qui arrive, on le connaît même pas, on lui ouvre nos bras. Et ça, c'est, même en France maintenant, c'est un problème qui est arrivé dernièrement, parce que tout d'un coup, des gens commencent à apparaître, qu'on connaît même pas, on sait même pas où ils ont étudié, d'où est-ce qu'ils viennent, commencent à parler de l'islam, commencent à parler Coran, Sunna, et même des fois ils vont dire salafia et des choses de ce genre. Et donc, les gens commencent à les laisser parler, commencent à les écouter, commencent à les inviter, et puis ils savent même pas d'où ils viennent, avec qui ils ont étudié, d'où ils sortent, hein. Et donc, ils se laissent tromper facilement par la suite. Donc, c'est pas correct d'agir de cette manière-là, et il faut vraiment faire attention, justement, à ça, hein, pour pas ouvrir la porte à n'importe qui, parce que la situation dans laquelle les musulmans sont actuellement, c'est le résultat de la négligence, c'est le résultat de l'insouciance dans laquelle on a vécu et dans laquelle on continue malheureusement à vivre par rapport à notre croyance islamique. Hein. Et Allah al-Musta'an, depuis je pense deux semaines ou trois semaines, je vais des fois prier dans une autre mosquée, et subhanallah, il y a quelqu'un qui a donné des livres à la mosquée. Donc, ils ont pris les livres, ils ont mis dans des bibliothèques, dans la mosquée. Et quand tu regardes les livres qui ont été donnés, ce sont tous des livres, des livres en grande majorité, hein, je dirais peut-être 90% des livres, ce sont des livres de bid'ah, des ikhwan, et de ce genre de tendances modernistes, ou des tendances des hizbiyyin. Donc, quand tu regardes les titres, tu vois des titres de, par exemple, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, et d'autres livres de gens que tu connais même pas. Même il y en a des livres, c'est des livres des chiites. Il y en a des gens, même tu vois, sur le livre, il y a les photos des auteurs. Hein? En gros, des fois c'est des dessins, des fois c'est des photos. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Hein? Des livres de Qardawi, des livres de Mohamed al-Ghazali, des livres de... Tous les livres des Ikhwan. Donc c'est avec ça, c'est un cadeau que quelqu'un donne à une mosquée, des livres d'égarement pour égarer les musulmans. A'oudou billah. Allah musta'an. Il y a les responsables qui sont endormis, mais il y a aussi les musulmans, des fois, qui viennent prier tous les jours, qui voient ça, qui disent rien, et qui font rien. Hein? Allah musta'an. Donc ça, c'est, tout ça, ça fait partie des exemples. Ensuite, à quelle heure ils vont faire l'adhan? Ok, on a le temps de faire un autre point. Le cheikh dit, le point numéro 56, ta'assubuhum lima hum alayhi min al-batil. Le fait que certains individus, ils sont fanatiquement attachés à ce qu'ils suivent comme fausseté. Hein? Le cheikh dit, at-ta'assubu lil madhhab, ka qawlihi ta'ala, wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Hein? Du fait qu'ils sont attachés aveuglément et fanatiquement à qu'est-ce qu'ils suivent comme voie, ils disent ne croyez en personne excepté celui qui suit votre religion. Et ça, c'est les juifs qui disaient ça. C'est le verset 73 dans surat Al-Imran. Le cheikh dit at-ta'assub al-mamqut li shay' huwa at-tamassuk bihi ma'a al-'ilm bi butlanihi. C'est quoi de suivre fanatiquement et de s'accrocher fanatiquement à quelque chose d'une manière qui est blâmable et qui est détestable, c'est de s'accrocher à quelque chose en même temps que tu sais que cette chose-là, elle est fausse. Hein? Donc ça, c'est blâmable, ça, c'est une forme de fanatisme. Hein? Tu es en train de t'accrocher à quelque chose, tu sais que c'est pas vrai, tu continues à t'accrocher. Hein? Et ça me ferait, je pense à ça, c'est comme par exemple, qu'est-ce que les koufars sont en train de lancer comme shubuhat maintenant contre le niqab ou contre les règles de l'islam. Ils disent, ah, mais ça c'est contraire à la l'égalité entre l'homme et la femme. Déjà, prouvez que la l'égalité entre l'homme et la femme existe, avant de dire que l'islam est contre, que le niqab c'est contre l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que l'égalité entre l'homme et la femme dans toute chose, elle est vraie? Déjà, en partant, est-ce qu'elle est affirmée? Hein? Donc toi, tu t'accroches fanatiquement à cette idée d'égalité, alors qu'elle est fausse. Hein? Et en se basant sur ça, tu rejettes tout ce qui est contraire à ça dans les principes de l'islam. Hein? Donc ça, c'est ça l'exemple de fanatisme. Hein? L'exemple de fanatisme, de rejeter la vérité. Hein? Tu t'accroches à quelque chose de faux et tu sais que qu'est-ce que tu suis, c'est faux. Ils le savent que c'est faux. C'est pas vrai qu'ils sont pas au courant. Ils savent qu'il y en a pas réellement de l'égalité entre l'homme et la femme. Ils veulent absolument s'y accrocher. Donc, le cheikh, il donne des exemples, et ça fait partie des voies des gens de la jahiliya. وَمِنْ مَسَائِلِ أَهْلِ الْجَهِلِيَةِ التَّعَصُّبْ لِلْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ وَلِهَذَا قَالَتِ الْيَهُودِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أي على أنبيائنا فقط والواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم وعلى غيرهم من الأنبياء مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل على أنبيائهم ولهذا قال فلما تقتلون أنبياء الله أي هل فيما أنزل الله عليكم قتل الأنبياء الذي تفعلونه لشيخ الدين parmi les exemples des voies des gens de la jahiliya, il y a qui s'accrochent fanatiquement à une voie qu'ils savent être fausse. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est pour cette raison-là que les juifs ont dit, dans le verset 73, dans surat Al-Imran, « Et ne croyez pas, excepté en celui qui a suivi votre religion. » Et dans l'autre verset, il dit, « Nu'minu bima unzila alayna » Et lorsqu'on leur dit de croire en Allah et de croire en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, on croit en ce qui a été révélé sur nous. Ça c'est le verset 91 hein, dans Al-Baqarah. C'est-à-dire, on croit juste en ce qui a été révélé à nos prophètes, à nous. Alors que l'obligation c'est de croire en ce qui a été révélé de la part d'Allah sur tous les prophètes. Hein, sur leurs prophètes et le prophète, les autres prophètes qui sont venus également à d'autres que à eux. Mais, il rejette ce qui est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que la réalité c'est quoi? C'est qu'ils ne croient même pas en leur propre prophète. Même en ce qui a été révélé à leur propre prophète, ils ne l'acceptent pas non plus. Mais ils disent ça juste comme ça, hein, pour opposer la vérité. Et donc, Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu dans le verset 91 dans surat Al-Baqarah en disant فلما تقتلون أنبياء الله؟ Pourquoi dans ce cas-là vous tuez les prophètes d'Allah? Si vous dites que vous croyez en vos prophètes et que vous suivez vos prophètes, pourquoi vous les tuez? C'est-à-dire, يعني, est-ce que c'est Allah qui vous a révélé de tuer les prophètes de cette manière-là? Et donc, le cheikh dit ensuite, ومن ذلك تعصب أتباع المذاهب لمذاهبهم من غير دليل. فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم أن يتبعوا الحق سواء كان في مذهبهم وفي مذهب غيرهم. فنحن لا نأخذ المذهب بكل ما فيه من إصابة وخطأ، بل نأخذ الصواب ونترك الخطأ. فإذا كنت حنبليا ورأيت الصواب في مسألة من المسائل مع المالكي أو مع الحنفي أو مع الشافعي، فخذ بقول المالكي أو الشافعي أو الحنفي وإن كان خلاف مذهبك، لأن هدفك الحق والعبرة بما قام عليه الدليل. هذا هو الصواب، هذا هو الواجب، هذا وإن كنت من أهل العلم، هذا إن كنت من أهل العلم. أما إذا كنت لست من أهل العلم فعليك أن تسأل أهل العلم الموثوقين، فما أفتوك به أخذت به، وهذا هو طريق الصواب. أما التعصب للمذهب سواء كان حقا أو باطلا فهذا من أمور الجاهلية كما ذكر الله عن اليهود. Donc le cheikh explique, il dit, parmi les exemples de ce qui fait partie de ce fanatisme là, il y a le fait de suivre un madhab ou une école ou une voie de, par exemple, les opinions d'un cheikh ou d'un imam parmi les imams de l'islam, de le suivre d'une manière aveugle et fanatique sans te soucier de la preuve. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit dans le madhab, tu le prends, tu l'acceptes, peu importe, que le dalil soit en accord avec cette position-là ou non. Et ça, c'est une forme de fanatisme. C'est la même chose que qu'est-ce que les juifs faisaient. Les juifs, ils disaient, nous, on croit juste en ce qui est révélé à nos prophètes. Et il y en a parmi les musulmans aujourd'hui, tu lui ramènes une preuve dans le Coran ou dans la Sunna, ils disent, non, nous, on suit seulement les shuyukh et les savants de notre madhab. Où on suit seulement les livres qui sont écrits dans notre madhab. Donc si on est maliki, on prend seulement d'un cheikh maliki ou d'un livre de al-malikiya. Ou si on est hanafi ou shafi'i ou hanbali, c'est la même chose. Chacun suit aveuglément son madhab de façon fanatique, sans retourner au dalil, sans regarder c'est quoi la preuve qui supporte cette position-là. Juste, ça c'est dans mon madhab, alors je le prends. Et il y en a d'autres actuellement qui ont inventé une autre attitude, un autre manhaj, qui est plus dangereux encore, c'est qu'il dit non, tu prends dans les quatre celle qui est d'accord avec tes désirs ou qui est plus proche à ce que tu veux, puis tu laisses les autres, peu importe le madhab. Donc ça c'est une autre extrême. Donc le cheikh il dit, l'important c'est que si tu es un étudiant en sciences et que tu cherches le ilm, tu es un talib ilm, l'obligation pour les musulmans en général et en particulier pour les tulab al-ilm, c'est de suivre la vérité, peu importe le madhab. Peu importe le madhab, même si c'est dans le madhab d'un autre, comme par exemple, le cheikh il dit, Allah ne nous a pas ordonné de prendre d'un madhab avec tout ce qui est dedans, de vrai ou de faux. On doit uniquement prendre ce qui est correct et laisser l'erreur. Donc si tu es un hanbali et tu vois que la position correcte dans une question parmi les divergences est avec le maliki, alors tu vas prendre la position du maliki. Ou bien si tu vois qu'elle est avec le Hanafi, tu prends la position du Hanafi. Ou si tu vois que la preuve supporte la position du Shafi'i, tu prends la position du Shafi'i. Tu prends la position de celui qui est plus près de la vérité. Tu prends la position du Maliki ou du Shafi'i ou du Hanafi, même si c'est contraire à ton madhab à toi. Parce que ton objectif, c'est la vérité. Ton objectif, c'est le haqq, c'est la vérité. Et ces quatre madhahib ne sont pas infaillibles. Et les imams de ces quatre madhahib n'ont jamais prétendu l'infaillibilité. Ils n'ont jamais prétendu posséder toute la science. Ils n'ont jamais prétendu connaître tous les hadiths. Ils n'ont jamais prétendu avoir toute la compréhension de la religion en entier chez eux. Donc, tu dois suivre la vérité. Et c'est ça ton objectif et c'est ça ton but. Et donc, l'important c'est que tu suives ce qui est supporté par la preuve et ça c'est l'obligation. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et ça c'est si tu es parmi les gens de science. Si tu n'es pas parmi les gens de science et tu n'as pas d'ilm, alors dans ce cas-là, ton obligation c'est de demander aux hommes de science. comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tu demandes aux hommes de science en lesquels tu as confiance. Et donc, tu demandes aux hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas vous-même. Hein? Et donc, tu ne vas pas dire, bon, je vais demander aux savants, est-ce qu'il est Hanafi ou Shafi'i ou Hanbali ou Maliki, sinon je ne vais pas lui poser la question. Non, tu te poses la question au alim. L'important, c'est que ce soit un alim et que tu as confiance en lui. Tu lui poses la question, il te répond selon le dalil. Et ton madhhab, c'est la réponse qu'il va te donner. Les ulama, ils ont dit, Al-Ammi laysa lahu madhhab. Le musulman, le commun des musulmans, qui n'a pas étudié la charia, qui n'a pas étudié l'islam, il n'a pas de madhhab. Son madhhab, c'est le madhhab de son mufti. C'est le madhhab de celui qui lui répond dans, parmi les shuyukh et les ulama. D'accord? Donc, le shaykh, il dit, quand le mufti, il te répond, ou quand le alim, il te répond, tu prends ce qu'il t'a donné, hein, parce que c'est la voie de qu'est-ce qui est correct. Mais de s'accrocher fanatiquement à une voie, que ce soit vrai ou faux, ça c'est pas correct, et ça fait partie des voies de la jahiliya, et c'est ce que les juifs faisaient, comme on l'a mentionné. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.